Chapitre 28e. L'idole abattue. Il était parti, chargé de portraits, de couronnes et de verres à sa louange. Les maîtres d'armes, ses rivaux, avaient essayé vainement de le faire périr d'indigestion. Les Anglais lui avaient su gré de ses 3 mois de séjour, pendant lesquels il n'avait pas manqué un seul bal. La seule nomenclature des bonnes fortunes du chevalier remplirait autant de volume que celle de Casanova. Seulement, Saint-Georges ne spéculait pas sur elle comme l'Italien. Bien au contraire, il était prodigue et fastueux avec les dames, et ce qui le prouve, c'est qu'après avoir obtenu les faveurs de plusieurs ladies right honorable, il revenait en France avec le seul argent d'un pari gagné au prince de Galles. Ce pari de 200 guinées consistait dans le fossé de Richmond à franchir. Saint-Georges, qui avait sauté déjà celui de la muette, n'eut pas de peine à battre l'héritier présomptif de la couronne. Il laissait donc à Londres une réputation aussi enviée que celle obtenue plus tard par le merveilleux Brummel. Les gentlemen, les lords et les squires s'étaient empressés de copier son habit et ses gilets. L'anglomanie, en revanche, lui avait imposé le chapeau rond et les bottes. Le marquis de Stafford, en se promenant à Green Park avec lui un certain soir, s'était pris à lui demander pourquoi il n'écrivait pas ses mémoires. « Parce que je n'ai rien fait d'utile, » répondit tristement le chevalier. Il devint sombre et morose tout le temps de la conversation. Cette pudeur de Saint-Georges vis-à-vis du public était-elle une vanité? Nous ne le croyons pas. Nous qui tenons à cette heure en main quelques-unes de ses lettres. L'ambition de Saint-Georges, son ambition réelle, ce fut la cour. Malheureusement, le patron qu'il avait pris et les singulières amitiés que le duc d'Orléans lui imposa devaient l'écarter de ce chemin. En arrivant à Paris après cette courte absence, Saint-Georges le trouva incroyablement changé. Les préoccupations de la politique et les idées révolutionnaires avaient altéré déjà la gaieté parisienne et glacé le rire aux lèvres de ce monde nourri de chansons et de folies. Quelques mois avaient suffi pour faire de ce même peuple, ami du plaisir et futile comme le peuple d'Athènes, un peuple de sophistes et de lourds raisonneurs, disposés d'avance à accueillir l'établissement de toutes les théories législatives. En voyant ces hommes qu'il avait quittés lestes et beaux, partagé entre l'opéra et la cour, courant tout le jour après des vices brillants et ne s'inquiétant guère du lendemain, le chevalier s'étonna de les retrouver presque enfouis sous une masse de feuilles périodiques, des pots obscurs et volumineux de discours contradictoires où le nom de Pitt heurtait celui de Voltaire, où l'abbé Sieyès osait coudoyer Mirabeau. Les vents déchaînés sous le sceptre mythologique d'Éole ne lui semblèrent alors qu'une image imparfaite en regard de ces agioteurs de maximes et de systèmes, charlatans nouveaux, qui invoquaient tantôt les rêves creux des économistes et de l'encyclopédie. En examinant de nouveau ces pâles figures, Saint-Georges crut rêver. Il pensa que c'étaient des personnes mortes. Les constructeurs de la Babel révolutionnaire lui parurent funestes, parce que tout d'abord ils avaient proscrit le plaisir, les réunions folles, les habits de fête, le tout pour se cadenasser chez eux et faire ce qu'ils appelaient le grand compte de la nation. La joie publique, ce beau fruit que les souverains n'écartent jamais de la bouche du peuple, s'était pourri de bonheur entre les mains de ces réformateurs impurs, déjà plus forts que cette cour sans force, sans amis et sans puissance. Le chevalier put se croire encore à Londres en voyant ces 1000 clubs, dont le dégoût suivait de si près la connaissance, repère assuré de tous les intrigants et aventuriers de la province, dans le sein desquels se fabriquaient les poisons dont les habiles enivrèrent les dupes de toutes les classes. Annoncés d'abord comme une importation d'Angleterre, ces clubs n'avaient pas tardé à devenir le foyer de la désorganisation. Quand ils n'eurent eu que le tort de caserner la société au lieu de l'étendre, de la parquer par coterie et de la miner peu à peu, ce tort eût suffi pour qu'on dût les fuir, car la société, elle aussi, est une puissance. Par l'acceptation des clubs, elle perdait tous ses droits. Un contraste qui ne put échapper au chevalier vis-à-vis de ces modifications anglaises et sérieuses qu'avaient subi l'attitude et le costume des hommes, ce fut la tenue de presque toutes les femmes qui composaient alors la société parisienne. Leurs seuls habillements parurent à Saint-Georges un oubli et un scandale. Ces femmes, qui avaient assisté, la gorge nue, aux plus étranges comédies, à commencer par celle du mariage de Figaro, cette prophétique trompette de la ruine du XVIIIe siècle, jusqu'à celle du diacre Paris, n'affichait plus alors la moindre nuance d'hypocrisie et de dissimulation. Elles se promenaient à Longchamp et au Colisée sous les gaz les moins pudiques. elle trouvait qu'il était de bon air de se moquer en tout de la cour et d'adopter le contre-pied de ses éloges. C'était elle qui sifflait de leurs jolies bouches rebelles les pièces applaudies par de royales mains à Fontainebleau. Elles encore qui se précipitaient avec fureur sur les derniers romans licencieux dus à l'agonisante lubricité de Voltaire. Les livres de Crébillon fils ne suffisaient même plus à cette génération fiévreuse qui s'était hâtée de vivre. Il lui fallait les épileptiques fureurs, les inventions obscènes et déhontées de M. de Sade. Voir ces femmes avilies, souillées, déjà avant qu'elles ne vous eussent cédé, l'imagination elle-même reculait et se hâtait d'imposer silence à ses caprices. Le doyen de ce siècle, l'homme qui en avait, pour ainsi dire, dirigé l'essor et pompé les vices, l'élégant et spirituel Richelieu venait de mourir, assez heureux pour mourir à temps et pour ne pas voir de ses yeux les tressaillements précurseurs de sa ruine. Le dernier soupir de Richelieu avait été celui de la galanterie française elle-même, cette galanterie qui remontait à Louis XIV. Il semblait présager les brutalités sanglantes et le règne de la populace qui devait suivre. Où fuir, où se cacher pour éviter ces symptômes? Saint-Georges, tout mulâtre qu'il était, ne pouvait souffrir le peuple. Il y avait chez lui, nous l'avons dit, une aristocratie presque innée, une aversion intime de tout ce qui pouvait sentir mauvais. Le peu de fois qu'il rencontra deux ou trois membres de la Société des Amis des Noirs, il leur demanda comment ils comptaient procéder à l'égard des colonies. « Par le fer et par le feu, » répondirent ces stupides nibleurs qui ne se croyaient pas à leur eux-mêmes les victimes de l'insidieux Pitt. Ce mot avait dès ce jour consolidé les répugnances de Saint-Georges. Le Palais-Royal n'était même plus un refuge vers lequel la reconnaissance put faire tourner les yeux. Abandonné à l'intérieur par son propre maître, pour ne point appeler la surveillance sur ses visiteurs, la maison du prince avait l'air d'une de ces maisons souterraines d'Herculanum. Les jeux et les fêtes l'avaient quitté. Le duc était à Londres, où ses affiliés l'attendaient. Parfois cependant, la nuit, et lorsque les grilles de l'impur jardin étaient fermées, un fantôme pâle osait se dessiner à ce balcon, encombré autrefois de princes, de jeunes seigneurs et d'artistes. C'était la malheureuse duchesse d'Orléans, la seule plante noble et respectée de cette famille, pure et religieuse, martyr dont la vie, après avoir été un holocauste, devint un exemple. Considéré comme centre de société, le palais du duc était donc devenu un vain mot. Il n'y avait plus que son jardin. En parcourant ces arcades empestées elles-mêmes de tant de miasmes révolutionnaires, Saint-Georges put se convaincre d'une chose bien plus triste encore, c'est qu'il n'y avait plus en France aucun respect pour la royauté. À chaque pas, ce n'était qu'écrit contre le chef de l'État ou complot furtif contre la reine. La calomnie distillait partout son venin. La représentation extérieure était elle-même devenue à charge au grand. L'égoïsme et l'avarice, qui semblaient gouverner les âmes, avaient porté la confusion des États à un point extrême. Les personnes d'un âge mûr, celles qui avaient travaillé toute leur vie pour obtenir les ordres du roi, témoignage de la plus haute faveur, s'étaient habituées à en cacher en public les marques distinctives sous le frac le plus uni. Ce travestissement, résultat de la mode anglaise, était un moyen commode d'échapper à la gêne de la représentation. Le mépris du peuple en résultait. Un tel oubli validait les insinuations perfides contre une noblesse déconsidérant ainsi elle-même. Les hommes que le chevalier rencontrait ne parlaient plus de maîtresse et de souper, mais bien de tiers-états, d'émeutes, de disettes et de tribunes. Les publicistes avaient remplacé les marquis de l'œil de bœuf. Les poètes eux-mêmes cédaient le pas aux aligneurs de phrases et de doléances politiques. Le chevalier avait laissé Paris barbouillé de tabac d'Espagne, il le retrouvait taché d'encre. Toutefois, un tel spectacle l'eût affligé médiocrement s'il n'eût participé lui-même à l'incroyable déclin de ce règne. Devant ce ciel gros d'orage et ses préoccupations sévères, que vouliez-vous que devint un homme curieux seulement de charmer, un beau, glorieux d'avoir traversé son siècle en lui faisant subir son bon vouloir en fait de mode? Quel comédien aimé du public eût pu lutter contre Mirabeau, le grand acteur, Mirabeau dont la voix remuait cette pâle société? Il y avait un personnage que le chevalier rencontrait partout, c'était le comte de Mirabeau, c'est-à-dire la passion et la fièvre du jour en personne, renommée terrible, qui ne laissait personne l'approcher ou vivre autour d'elle, sorte de génie fatal qui, comme l'antique Minotaure, dévorait tout. Ce fut devant ce colosse que saint Georges sentit surtout je ne sais quelle crainte et quelle angoisse. Il lui sembla que du jour où Mirabeau avait secoué sa torche à la tribune et déchaîné les plus monstrueux démons contre la société, il n'y avait plus en France de règne possible pour l'élégance et la grâce. À cet imposant athlète avaient déjà succédé en effet de misérables démagogues, sinistres corbeaux de nuit qui venaient croasser après le vautour. Il était facile d'expliquer le succès de ces épouvantables orateurs. Ils s'adressaient chaque jour à la dépravation humaine au nom de la liberté. Hormis eux, rien ne leur paraissait devoir occuper l'attention. Sous les sons discordants de leur orchestre, il devenait impossible de rien distinguer. Encore une fois, se dit saint Georges, n'a-t-on pas changé ce peuple? Voilà des gens qui ont violemment déchiré l'affiche de leur spectacle d'hier. Qui ont-ils gagné? Des jongleurs moroses, des auteurs misérables, ennuyés d'eux-mêmes et qui ne peuvent égayer la galerie. L'anglais est triste, mais il ne vient pas ainsi se mettre sous la roue du char qui doit le broyer. Il ne se livre pas pieds et poings liés au servile troupeau du peuple. Laquelle est la plus forte en vérité de ces deux nations? Ou de celle-ci qui vient d'ouvrir les portes du Panthéon au plus grand corrupteur qui ait flatté les vices de son siècle, ou de l'autre qui bannit de Westminster tout homme qui a pu la déshonorer? Ainsi l'analyse de ce Paris métamorphosé devenait pour saint Georges un roman cruel et sombre. Lui-même ne tarda pas à se trouver déplacé dans ce monde si nouveau pour ses regards. Mille choses l'avertirent qu'il avait vieilli et qu'il ne tarderait pas à se voir dans peu remplacé. Quand il se montra pour la première fois dans les cercles, ce fut un étonnement concerté sur ce que les envieux nommaient sa frivolité. On ne manqua pas de trouver qu'il voulait demeurer jeune trop longtemps, qu'il avait grossi, et que le frac anglais lui allait moins bien que l'habit à large basque. Les femmes ne rougissaient plus et ne pâlissaient plus tour à tour à son aspect. Elles n'avaient plus vis-à-vis du donjon en noir, comme on l'avait appelé longtemps, cette timidité suppliante que l'on ne saurait comparer qu'au regard humide et volé de la gazelle. Il ne jetait plus dans les promenades l'éclat d'un vif météore. Il lui sembla même qu'on ne le regardait que pour l'étrangeté de sa couleur. Le terrain sur lequel il marchait était devenu du sable. Ce n'était plus le beau, l'inimitable Saint-Georges. D'autres, plus heureux et plus jeunes, il est vrai, occupaient déjà les mille bouches des oisifs. C'était Garat, l'homme aux roulades et aux cravates. Le duc de Lauzun, devenu depuis le citoyen Biron, dont toutes les femmes s'engouaient et qui les trahissaient avant de trahir la cour. Monsieur de Choiseul, surnommé le beau danseur. Depuis le jour où Saint-Georges s'était cassé le tendon d'Achille dans une partie de chasse, il ne devait plus prétendre à se faire admirer pour le bon goût de sa danse, et pour le chant il était loin de valoir Garat. Saint-Georges ne put voir ses rivaux et d'autres encore sans le dépit jaloux d'un premier sujet auquel un acteur d'hier vient prendre son rôle. À ses blessures secrètes se joignirent bientôt d'autres chagrins d'amour-propre. Le talent particulier dont Saint-Georges avait fait preuve plus d'une fois au théâtre pour la composition trouvait bon nombre de contradicteurs. On sait que Saint-Georges avait travaillé à la partition de plusieurs opéras comiques. Or, à son retour, il ne manqua pas de gens pour écrire que sa musique était dépourvue d'invention. Il venait d'être question de confier à une régie l'Académie royale de musique, qui était sous la surveillance de la ville de Paris. Le chevalier, quelque temps avant ce voyage de Londres, fut mis à la tête d'une compagnie de capitalistes qui se présentèrent. Ce fut alors que Mesdemoiselles Arnoux, Guimard, Rosalie Levasseur et autres actrices de l'opéra adressèrent un placé à la reine pour représenter à sa majesté que leur honneur et leurs privilèges ne leur permettaient pas d'être soumises à la direction d'un mulâtre. Les propositions de Saint-Georges avaient donc été repoussées. Pendant son absence, la calomnie ne l'avait pas épargné. Il englana bientôt les fruits amers à chaque pas qu'il fit dans les cercles qu'il avait tant admirés. Jaloux à l'excès de ses triomphes, désirant se venger de lui et ne plus avoir sous les yeux le spectacle de ses succès, plusieurs de ses rivaux s'étaient réunis, résolus de faire payer aux chevaliers les maîtresses qu'il leur avait enlevées ou les paris que son adresse leur avait fait perdre. À la tête de ces ligueurs de salon était venu se placer naturellement M. Devannes, plus acharné, en sa qualité d'homme à bonne fortune, à ruiner la réputation de Saint-Georges, que le chevalier de la Morlière, son ami, qui ne faisait après tout que le métier de morande. M. Devannes était du petit nombre de ces hommes qui médisent parce qu'ils ne se croient jamais à leur place. L'ambiguïté honteuse de sa vie et ses lâchetés, mises à couvert sous un uniforme, lui faisaient poursuivre avec acharnement le jeu des âmes médiocres et envieuses, le dénigrement. Beaumarchais, qui avait cru devoir personnifier la calomnie dans Basile sous un costume de moine, aurait sans doute regretté de n'avoir pas connu cette classe intermédiaire d'officiers sans valeur comme sans emploi, dont l'épée demeurait une arme inutile à leur côté, pendant que leur langue distillait partout la calomnie à Paris ou à Bruxelles. Cette race métive entre les pamphlétaires et les diffamateurs patentés méritait de se voir peinte en très sérieux, au lieu de se sentir seulement effleurée à l'épiderme par quelques poésies fugitives de Voltaire. Une chose à laquelle on ne fait pas assez d'attention, c'est que la loyauté militaire en France n'avait pas cédé, jusqu'à cette terrible époque, à la vile influence de l'argent et des caresses. Ce système, mis en œuvre par le duc d'Orléans, par ses émissaires et ses courriers, ne rencontra par bonheur dans l'armée de France qu'un petit nombre d'hommes assez vils pour se vendre à sa faction, et avec eux les soldats dont la fidélité leur était confiée. M. de Vannes fut un de ces hommes. Joueur effréné, imbu des plus méprisables principes, il déshonorait sa lieutenance de dragon en affichant tous les vices qui peuvent égarer et pervertir. Digne à tous égards de devenir l'un de ces officiers jacobins, traite à leur devoir, à l'honneur et à leur roi, il s'était jeté avec plus de fureur que jamais dans le parti du duc d'Orléans, se flattant sans doute d'obtenir par sa criminelle soumission les premières places de l'armée. La froideur que Saint-Georges avait cru devoir lui témoigner depuis quelque temps lui avait paru une insulte suffisante pour qu'il s'appliquât de toutes ses forces à lui nuire. L'empoisonnement de Madame de Langeais l'avait jeté d'ailleurs dans une sorte de haine contre Saint-Georges. Il le croyait ravi de la mort de cette femme que le chevalier, en homme généreux, ne cherchait qu'à oublier. Saint-Georges ne tarda pas à se voir instruit par la Bessière des odieuses menées de M. de Vannes. Non seulement cet homme avait abjuré son caractère de témoin, véritable sacerdoce de discrétion que l'on ne doit accepter qu'avec la ferme volonté de le remplir, mais il avait encore déposé en parlant de lui tout honneur et toute dignité militaire. Il avait insinué à diverses reprises qu'il préférait tenir l'épée à la salle d'armes qu'en champ clos, qu'il fuyait toute rencontre, que son voyage en Angleterre n'avait pas d'autre but que d'éviter M. de Langeais. La fureur du chevalier ne connut plus de bornes en apprenant ces nouvelles. Il serra la main de la Bessière dans une rage convulsive. Il passa 3 jours à chercher M. de Vannes partout Paris. Il éprouvait un plaisir âpre et violent à manier le fleuret à la salle d'armes, en pensant qu'à la fin ce fleuret allait devenir une épée. L'espèce d'oubli dans lequel il était tombé n'était guère de nature à lui faire quitter une idée de misanthropie et de vengeance. Dans ses nuits agitées, il voyait ce lâche dont la bouche n'avait pas craint de déverser sur lui le fiel et l'injure. Il le voyait à genoux, humble et suppliant devant son épée. Il aurait enfin raison de ses tortueux mensonges, de ses insinuations qui flétrissent plus qu'une injure. Par malheur, M. de Vannes était parti, et le secret de son voyage était assez bien recommandé pour que Saint-Georges n'obtînt que de vagues renseignements. À peine revenu à Paris, une douleur plus accablante 1000 fois que toutes ces douleurs, une douleur à laquelle le chevalier attachait un sens prophétique, était venue l'assaillir. En arrivant, il avait trouvé la porte tendue de noir. Noémie était morte, morte sans un seul des baisers de ce fils pour lequel l'infortunée mère avait sacrifié sa vie. Saint-Georges frémit à ce nouveau coup. Il baisa religieusement la main de ce froid cadavre que nul, excepté Platon et lui, ne suivit au cimetière. La négresse fut enterrée à la nuit. On plaça sur sa tombe une petite croix de pierre, mais la tombe reçut le nom de Noémie. Le chevalier, comme pour racheter sa faute, n'y fit graver que ces 2 mots « Mater mea ». Avec cette mère, étoile de sérénité et de bonheur, se mourait toute force au cœur de Saint-Georges. Le mulâtre superstitieux se rappela que la veille de son départ, elle lui avait fait les cartes, qu'au milieu de sa prédiction, les larmes l'avaient suffoquée. « Sans doute, se dit-il, elle n'a pas voulu me montrer les nuages de l'horizon. Elle aura craint de voir faiblir mon courage devant ce qui se prépare. Ainsi me voilà vieux à l'œil de ces hommes qui se sont eux-mêmes vieillis à plaisir pour prendre la livrée d'une fausse philosophie. Me voilà à nu, dépouillé de tout prestige, confondu dans la foule, moi qui autrefois la dominais. Voilà où devait aboutir mon existence inutile. Je n'aurais rien fait sinon de servir de hochet à ce siècle dissipé. Je n'aurais pas même eu les passions d'un noble cœur. Ah, puisque l'absence de ce misérable m'interdit jusqu'à la haine, puisque Devanne me fuit, il me faut choisir une route par laquelle je rentre dans le paradis ou dans l'enfer. Il y a ici deux partis en présence, le parti de la cour et celui de ce triste prince avec lequel j'ai rompu tout lien et toute entrave. Je n'hésiterai pas, mon sort est fixé. Dans mes plus brillants succès, c'est toujours une femme qui m'a souri, une femme et l'ange qui peuple nos solitudes. Celle de mon âme a besoin d'être habitée. Tu n'as fait que me précéder, ma mère. Je sens que je ne tarderai pas à t'aller rejoindre. Mais rassure-toi, je ne veux point mourir, noble et généreux fantôme, sans avoir sauvé cette femme qui ne se doute pas des manœuvres d'un lâche. Et ce lâche, ô ma mère, ce n'est pas le malheureux, l'homme obscur qui me calomnie. C'est un prince du sang dont je sais tous les secrets, un tigre altéré de sang que j'ai fui. Cet homme est le cousin de cette femme, c'est le duc d'Orléans, et cette femme, c'est la reine. » Parlant à cette ombre chère d'une voix lente et triste, il s'agenouilla. Il semblait qu'à ce souvenir de la reine, il eût retrempé sa vie. Sa poitrine et sa tête étaient en feu. Il regardait un portrait de cette noble femme avec laquelle il avait chanté et dont la douce voix, soutenue au clavecin par Sacchini, avait charmé son oreille comme une prière.